de Jeff Buckley sur du Alléluia. Et je me mets à planer sans savoir pourquoi. Les yeux remplis de larmes ou de vodka. Je n'y vois plus très clair. Hélène, sois ma lumière. Oh Hélène, Hélène, j'arrive pas. D'avoir peur, Hélène, quel est